sur quelle qualité mesurer et beauté de l'homme ? Sur son humanité, puisque l'humanité est une étape de transcendance mentale qui progresse au-dessus des niveaux animaux, cependant. Les normes d'humanité sont basées sur la capacité mentale de contrôler les actions et les activités du corps et ses exigences, et de le gérer et de l'utiliser positivement, dans l'intérêt personnel et l'intérêt environnemental qui constitue son monde, afin qu'il puisse être affecté par lui et qu'il en soit affecté positivement et négativement. Que ce soit de lui vers les autres ou que ce soit le contraire, comme résultat et réaction de toute activité exercée par tout être qui a une présence dans l'environnement concerné. Ce qui nécessite la conscience et la connaissance de ce qui peut être émis par les autres ou son émission laisse un impact sur les autres. Et la connaissance et la conscience sont des devoirs de l'esprit. Et puisque l'essence du sens de l'humain est concentrée dans son esprit, par lequel il a transcendé tous les êtres, et à travers lui il a pu avancer, par son monde, à l'avantage, au développement, à l'amélioration et au changement, et pas dans son corps du tout. Alors que le corps humain joue un rôle élémentaire et fonctionnel, selon les tâches spécialisées d'outils spécifiques, il est possible de se décomposer, de disparaître, ou de se dégrader progressivement, tandis que l'entité reste, mais si cela arrive à l'esprit, cela signifie la fin de l'entité entière de l'être. Et les outils corporels ne peuvent obtenir aucun succès sonore sans interférence de l'esprit. Donc, cette beauté de l'homme n'est pas inhérente aux outils de son corps, mais plutôt dans son esprit. Comment il pense, ce qu'il pense, ce qu'il sait, quelle est l'étendue de sa conscience, de lui-même et de sa destinée, et du monde autour de lui et de son destin. Comment il regarde la société cosmique et son avenir, quelle est sa capacité à être positif ou négatif, être dans ce monde. Outil du corps humain pour chacun, sa qualité selon le rôle qu'il joue comme le sien, rôle dans la vie de cet être dont le but est de continuer à exister face à l'extinction. Et de fournir les meilleurs modes de vie et de paix à travers la marche de la continuité, alors il reste nécessaire de faire bon usage des outils corporels. D'une manière qui assure une vie saine et une communication entrée avec les autres, ce dont nous ne pouvons atteindre la continuité dans la vie et son bien-être sans eux. Sur cette base, devrait à l'individu comme une responsabilité personnelle, mais nous sommes obligés à vivre avec les autres d'affiner le comportement et d'améliorer les apparences physiques. L'élégance et la maîtrise de la créativité et de la gentillesse d'une manière qui suscite l'admiration et la tolérance dans le cœur des autres. Afin d'améliorer les moyens de communication entre les êtres humains, d'assurer la sécurité et la continuité. L'épéiste le plus fort des batailles de l'histoire peut aujourd'hui être dépassé par un jeune enfant de n'importe quelle distance sur la planète Terre ou à l'extérieur en appuyant sur un bouton. Nous n'avons pas besoin de ses muscles aujourd'hui, mais il peut obtenir une ceinture dorée l'une des salles de boxe, et s'il ne maîtrise pas la boxe, ses muscles sont inutiles. Et que des milliers de femmes les plus séduisantes et attrayantes du monde avec leurs apparitions glamour dans des hôtels 5 étoiles chaque année, où des millions de dollars sont versés sur eux. Aujourd'hui, ils ne valent pas la peine d'une infirmière, d'une tribute dans le monde. Restent debout toute la nuit dans des hôpitaux bondés de centaines de milliardaires dans des salles de réveil à l'époque de Corona. Ainsi, la beauté est un être moral qui réside dans notre moi rationnel quand son moment arrive. Ainsi existe le bonheur en nous aidant les autres autour de nous. Alors, quel est le bonheur ?